الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Chers frères et sœurs, bienvenue à vous dans cette nouvelle assise dans laquelle nous allons commencer ensemble la lecture et l'explication d'une courte épître de l'éminent Cheikh عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. Et cette épître concerne les causes à accomplir pour augmenter et multiplier la récompense de nos bonnes actions, inshallah تعالى. Comme vous le voyez, le sujet de cette épître est donc d'une grande importance pour tout musulman. D'autant plus en ces jours immenses, durant lesquels le croyant redouble d'efforts dans l'accomplissement de bonnes actions, espérant ainsi se rapprocher davantage d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et lorsque tu cherches à te rapprocher d'Allah, que ce soit par une prière, une aumône, un jour de jeûne, la lecture du Coran, l'apprentissage de la science, un projet de bienfaisance ou autre parmi les actions, tu dois avoir conscience que les auteurs de ces actions ne sont pas tous de même degré. Certains parmi les gens voient leurs œuvres rejetées et annulées, à l'exemple de ceux qui œuvrent par ostentation, recherchant les éloges et les compliments des gens. D'autres agissent sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, conformément à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et voient leurs œuvres acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Ils seront récompensés pour celles-ci. Mais cela également, leur récompense diffère. Certains auront une récompense décuplée, c'est-à-dire qu'elle sera multipliée par 10. Et d'autres parmi eux pourront voir leur récompense multipliée jusqu'à 700 ou plus encore. Il se peut que deux personnes accomplissent la même action côte à côte, à l'exemple de deux personnes dans un rang de prière, qui accomplissent les mêmes gestes et prononcent les mêmes paroles. Mais il se peut qu'il y ait entre eux une différence immense en termes de récompense, que certains n'aient son action que décuplée et que l'autre voit la récompense de son action multipliée par 700 ou plus encore. Et c'est les causes nous permettant de voir nos récompenses multipliées de cette manière que l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous a exposé dans cette épître. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en faire profiter et de nous faciliter sa compréhension ainsi que sa mise en pratique. En concrétisant ces causes, il se peut que tu accomplisses une seule œuvre qui te permettra d'atteindre une récompense et un rang que celui qui néglige ses causes n'atteindra pas, même s'il accomplit cette même œuvre des centaines de fois. Vous voyez donc que ce sujet mérite toute notre attention et ne doit en aucun cas être négligé par le croyant qui est soucieux de voir ses récompenses augmenter auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est cela le gain et le profit que doit rechercher tout croyant. Chacun d'entre nous doit être préoccupé par cela. On voit beaucoup de gens aujourd'hui se lancer dans le commerce et chercher tous les moyens leur permettant de faire fructifier leur argent. Nombreux sont ceux à donner une grande importance à cela. Certains font des formations, d'autres cherchent des contacts ou des intermédiaires pouvant leur indiquer des affaires rentables. Certains sont si soucieux de cela qu'ils vont même jusqu'à y consacrer la majorité de leur temps et de leur énergie, parfois même au détriment de leurs obligations religieuses ou al-iyadu billah. Et tout ceci n'est que la conséquence de l'insouciance des cœurs et de leur rattachement au bien éphémère de ce bas monde. Et le croyant à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé la réussite, c'est celui qui se préoccupe du commerce de l'au-delà, du commerce avec Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui consacre son temps et son énergie à ce qui lui permet de se rapprocher de son Seigneur. Car c'est cela le commerce fructueux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le commerce qui te sauvera du châtiment du feu de l'enfer, bi'idhnillahi ta'ala. Médite sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a dit au verset 10 de Surat As-Saff, « Ya ayyuha alladhina amanu, ô vous qui croyez, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim, Vais-je vous indiquer un commerce qui vous sauvera d'un châtiment douloureux ? L'imam Sa'di rahimahullah ta'ala dit dans le tafsir de ce verset, ceci est une recommandation, une indication et une orientation de la part du plus miséricordieux des miséricordieux à l'attention de ses serviteurs croyants. Il leur recommande, il leur indique et il les oriente vers le plus grand des commerces. L'objectif le plus noble est la chose désirée la plus éminente par laquelle ils seront sauvés du châtiment douloureux et obtiendront le succès par un délice permanent. Quel est ce commerce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous indique dans ces versets? Il dit dans le verset suivant, « Tu'minuna billahi wa rasuli » que vous croyez en Allah et en son messager. « Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum » et vous combattez avec vos biens et vos personnes sur le sentier d'Allah. « Dhalikum khayrul lakum in kuntum ta'lamun » cela vous est bien meilleur si vous saviez. En effet, cela est bien meilleur que le commerce de ce bas monde, car ceci va vous mener à un gain immense et à l'énorme succès. Et le gain est mentionné dans le verset suivant. Il dit, subhanahu wa ta'ala, « Yaghfir lakum dhunubakum » il vous pardonnera vos péchés. « Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar » et il vous fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. « Wa masakina tayyiba » et des demeures agréables, fi jannati adan, dans les jardins d'Eden, dhalika al-fawzul 'azim, voilà l'énorme succès, voilà le vrai succès, voilà le vrai gain, voilà la vraie réussite. C'est cela le commerce fructueux que doit rechercher le croyant doué de raison. Ceci est un commerce duquel il convient de nous préoccuper et auquel il nous convient de consacrer du temps et de l'énergie afin d'obtenir le vrai succès qui est le succès de l'au-delà. Et pour que ce commerce soit des plus fructueux, il est nécessaire pour toi de chercher à connaître les moyens et les causes qui vont te permettre de multiplier tes gains. Ces gains qui sont les récompenses que tu vas obtenir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas donc chercher à savoir quelles sont les causes qui te permettent de multiplier ces récompenses et de les faire augmenter auprès de ton Seigneur. Et c'est pour cela que j'ai choisi que l'on lise ensemble cette courte épître en ces jours, car l'auteur a réuni dans celle-ci une quinzaine de causes tirées des textes du Coran et de la Sunnah. Il les a exposées de façon claire et concise, permettant à chacun d'entre nous d'en tirer profit, incha'Allah ta'ala. Et avant de commencer la lecture de cette épître, il est bon de se rappeler qui est son auteur. Il est le Cheikh, le grand savant, l'imam, le Mufassir, عبد الرحمن بن ناصر السعدي التميمي رحمه الله تعالى. Il est né à Unayza, en Arabie, en l'an 1307 de l'Égir. Et il est connu pour ses nombreux écrits profitables, et plus particulièrement pour son célèbre exégèse du Coran, qui fait partie des plus bénéfiques et des plus accessibles pour les débutants et le commun des musulmans. Il a aussi des écrits profitables dans les différentes sciences islamiques, comme la croyance, le tawhid, la jurisprudence, le hadith, les fondements, et ainsi de suite, et ses livres sont souvent des ouvrages de référence. Il passa de nombreuses années à enseigner la science religieuse, et de nombreux étudiants profitèrent de lui, au point même de se distinguer par leur science. Et le plus célèbre parmi eux est certainement l'éminent cheikh, l'imam, le grand savant, Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, qui est l'élève du Cheikh al-Sa'di. Et le Cheikh al-Sa'di décéda en l'an 1376 de l'Égir et laissant en héritage une science vaste et profitable à l'exemple de cette épître et d'autres dont les musulmans tirent profit jusqu'à nos jours. Concernant cette épître, elle se trouve dans un recueil de ses écrits intitulé « Al-Fatawa al-Sa'diyya » à la page 43. Et elle est présentée sous la forme d'une réponse à une question. Il se peut que ce soit une question qui ait été posée au Cheikh et à laquelle il répondit par écrit. Et il se peut aussi qu'il ait lui-même présenté ce sujet sous forme d'une question, accompagnée de la réponse, comme il l'a fait dans différents de ses écrits. La question est donc, quelles sont les causes et les actions dont la rétribution est augmentée ou dont la rétribution est multipliée? Il répondit, rahimahullah, la réponse est la suivante. Et c'est d'Allah que provient la réussite. Mais dites ici, sur cette courte phrase par laquelle le shaykh introduit sa réponse. Il se rappelle à lui-même et il rappelle au lecteur que la réussite de chacun d'entre nous provient d'Allah subhanahu wa ta'ala seul sans associé. Et c'est d'une grande importance de te rappeler de cela lorsque tu étudies la science. Le fait d'étudier cette science, d'assister à une assise de science, de comprendre cette science qui t'est présentée, de la mémoriser, puis de la mettre en pratique, tu ne peux faire cela que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu entreprends une action quelle qu'elle soit, et que tu parviens à tes fins, c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que cette action soit une action mondaine ou une action religieuse. Tu dois donc toujours te rappeler que la réussite provient d'Allah subhanahu wa ta'ala et faire en sorte que ton cœur ne soit attaché à nul autre que lui subhanahu wa ta'ala. Ton cœur ne doit pas être attaché aux causes. Tu ne dois pas être pris de vanité et penser que tu réussiras grâce à tes efforts, à ton intelligence ou à ta force, non. La réussite, elle ne provient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit, quant au fait que l'œuvre soit décuplée et que la hasana en vaut 10 semblables à elle, alors ceci est une chose inéluctable dans toute œuvre pieuse. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, « Man ja'a bil hasana falahu ashru amthaliha » Quiconque viendra avec une hasana en aura 10 fois autant. Donc le shaykh, rahimahullah ta'ala, avant de répondre à la question, il nous expose un point important qui est de savoir que toute personne croyante qui accomplit une œuvre pieuse, sincère pour Allah et conforme à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors sa récompense est forcément décuplée comme le démontre le verset qu'il a cité. Et ceci nous montre la miséricorde et la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs. Tu accomplis une œuvre, la récompense de cette œuvre est forcément décuplée, elle est multipliée par 10. Et les preuves à ce sujet sont nombreuses. À titre d'exemple, on peut citer le hadith rapporté par At-Tirmidhi et authentifié par Al-Albani rahimahumallah ta'ala, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui lit une lettre du livre d'Allah gagne ainsi une hasana, et la hasana en vaut 10 semblables à elle. » La hasana en vaut 10 semblables à elle. Ceci est donc la récompense qu'obtient toute personne qui accomplit une œuvre pieuse. Attention, ceci concerne celui qui accomplit une œuvre pieuse. Et l'œuvre pieuse, quelle est-elle? Comment faire pour que ton œuvre soit pieuse? Pour que ton œuvre soit pieuse, elle doit impérativement remplir deux conditions. La première condition est que tu sois sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Que cette action ne soit vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne recherches pas à travers celle-ci un bien vil de ce bas monde. Tu ne recherches pas à travers celle-ci les éloges ou les compliments des gens. Tu ne cherches pas la notoriété ou autre parmi les choses qui pourraient souiller l'intention du serviteur. Tu œuvres sincèrement pour ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala, recherchant sa satisfaction et son agrément. Ceci est la première condition pour que ton œuvre soit pieuse. La deuxième condition est que tu te conformes à la sunnah du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que lorsque tu œuvres, il ne suffit pas d'être sincère, mais il faut aussi que tu accomplisses l'œuvre de manière légiférée, comme Allah, subhanahu wa ta'ala, l'a ordonné. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith « Man amila amalan, laysa alayhi amruna, fahuwa radd. » Celui qui accomplit une œuvre, celui qui fait une œuvre, que nous n'avons pas ordonnée, qui ne fait pas partie de notre ordre, contraire à ce que nous avons légiféré, alors celle-ci sera rejetée. Donc pour que ton œuvre soit pieuse, elle doit impérativement être sincère pour Allah et conforme à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui fait une œuvre pieuse, sa récompense est donc au minimum décuplée. Au minimum, ta récompense et multiplié par 10, inshallah ta'ala. Et tu dois savoir que celle-ci peut même encore être plus augmentée et multipliée, comme le démontrent différents textes du Coran et de la Sunnah. À titre d'exemple, on peut citer le verset 261 de Surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ » Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah. « كَمَثَلِ حَبَّهُ » sont à l'exemple d'un grain « أَمْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلْ » Un grain d'une 7 épis. Un grain qui a fait pousser 7 épis. « فِي كُلِّ سُمْبُلَ مِئَةُ حَبَّهُ » Et dans chaque épi, il y a 100 grains. Combien cela fait de grains au total ? Cela fait 700 grains. Il a fait une aumône, cette aumône est comparée à un grain, et la récompense de cette aumône est multipliée par 700. Car cette aumône est comme ce grain, d'où naissent 7 épis, et sur chaque épi il y a 100 grains, ce qui fait un total de 700 grains. Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un 'alim. Et Allah multiplie la récompense à qui il veut, et la grâce d'Allah est immense, et il sait parfaitement toutes choses. Dans les deux recueils de hadiths authentiques, d'Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque a l'intention d'accomplir une bonne action et la met en pratique, il a l'intention de cette action, puis il la met effectivement en pratique. Allah lui inscrit 10 hasanat, 10, c'est le minimum. Ensuite il dit « Jusqu'à 700 ou plus encore. » Allahu Akbar. Jusqu'à 700 ou plus encore. C'est-à-dire que 700, ce n'est même pas une limite. Mais il se peut que la récompense soit encore plus grande. Et dans un autre hadith, rapporté également par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, il a dit « Toutes les œuvres de l'enfant d'Adam sont décuplées. La hasana en vaut 10 semblables à elle jusqu'à 700. » Jusqu'à 700. Et l'imam Muslim, rahimahumallahu ta'ala, rapporte d'après Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qu'un homme a donné une chamelle et a dit « Ô messager d'Allah, celle-ci est sur le sentier d'Allah. » Il l'a offerte pour qu'elle serve sur le sentier d'Allah. Il lui répondit « Tu auras par celle-ci 700 chamelles au jour de la résurrection. » Allahu Akbar. Il a donné une chamelle, il sera rétribué au jour de la résurrection par 700 chamelles. Et ceci nous montre que la récompense des bonnes actions peut être grandement augmentée. Et c'est de cette augmentation dont il est question ici dans cet épître. C'est pour cela que l'auteur, rahimahullahu ta'ala, dit ensuite, « Quant à l'augmentation ou la multiplication supplémentaire à celle-ci, supplémentaire à 10, et c'est cela qui est visé par la question, alors elle a des causes. Celle-ci a des causes, il est nécessaire que tu accomplisses certaines causes pour que ton œuvre soit multipliée jusqu'à 700 fois ou plus encore. » Et il dit alors elle a des causes qui sont liées soit à l'auteur, soit à l'œuvre en elle-même, soit au moment ou au lieu, soit aux effets de l'action. Donc ici, le Cheikh, rahimahullahu ta'ala, avant de nous donner les détails à ce sujet, il nous expose les causes de manière globale et résumée. Et il nous dit que l'augmentation ou la multiplication de la récompense de nos bonnes actions, elle est liée soit à l'auteur de l'action, soit à l'action en elle-même, soit au moment où l'action est faite, soit au lieu où elle est faite, soit aux effets de cette action. Concernant l'auteur, cela signifie que, en fonction de sa sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala et de sa conformité à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il verra sa récompense augmenter. C'est-à-dire que plus il veille à être sincère, plus il purifie son intention, plus il est véridique envers Allah subhanahu wa ta'ala, plus il fait des efforts pour se conformer à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, plus sa récompense sera grande. À titre d'exemple, celui qui accomplit la prière en remplissant ses piliers et ses obligations et ses conditions, mais sans veiller aux sunan, sans veiller aux choses recommandées qui sont rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa récompense sera moindre que celle de celui qui accomplit cette même prière en veillant à l'accomplissement de chacune des sunan rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc plus la personne est sincère, plus elle se conforme à la sunna, plus sa récompense augmentera, incha'Allah ta'ala. La deuxième chose qu'il a mentionnée, de manière générale, c'est les causes liées à l'œuvre. C'est-à-dire que l'œuvre en elle-même, il se peut que sa récompense soit augmentée, comme on le trouve dans de nombreux hadiths où il est mentionné que la récompense de telle œuvre est telle ou telle récompense. Et les hadiths à ce sujet sont nombreux. Également, parmi les causes faisant que la récompense d'une action puisse être augmentée, il y a celle liée au moment où l'action est accomplie. En effet, il y a des moments méritoires durant lesquels Allah subhanahu wa ta'ala augmente les récompenses. À l'exemple du mois de Ramadan. Durant le mois de Ramadan, la récompense des bonnes actions est plus grande que la récompense durant les autres mois. Et plus particulièrement, durant cette nuit qui vaut mieux que 1000 mois, la nuit du destin. Les œuvres accomplies durant cette nuit, elles sont meilleures que les mêmes œuvres accomplies durant 1000 mois. Donc on voit que les œuvres accomplies durant cette nuit ont une récompense qui est grandement augmentée. Également parmi les moments durant lesquels la récompense des œuvres est augmentée, il y a ces 10 jours dans lesquels nous venons d'entrer, les 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah. C'est au sujet desquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas de jours durant lesquels les œuvres pieuses sont plus aimées d'Allah que durant ces 10 jours. » Donc toute action que tu accomplis durant ces 10 jours, elle est plus aimée par Allah, plus pure auprès d'Allah et plus grande en termes de récompense. Bi'inillahi ta'ala. Donc ceci est l'augmentation de la récompense qui est liée au moment. Il y a également l'augmentation de la récompense qui peut être liée au lieu, comme les 2 mosquées sacrées, la mosquée de la Mecque et la mosquée de Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith « Une prière accomplie dans ma mosquée est meilleure que 1000 prières accomplies dans une autre mosquée à l'exception de la mosquée sacrée. Et une prière accomplie dans la mosquée sacrée est meilleure que 100 000 prières accomplies dans une autre mosquée. » Donc tu vois ici que la récompense de cette prière est augmentée. Pourquoi ? En raison du lieu où elle est accomplie. Enfin, parmi les causes pouvant faire augmenter la récompense d'une action, il y a l'effet de cette action, le profit qu'il y a derrière cette action. Et plus particulièrement, lorsque la personne est suivie dans cette action. Elle a la récompense de ce qu'elle a fait et la récompense des actes de ceux qui l'ont suivi sur cette action. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui appelle à une bonne voie, il a, en termes de récompense, les mêmes récompenses que ceux qui l'ont suivi en cela, sans que ceci ne diminue en rien de leur récompense. » Et dans un autre hadith, il a dit « Celui qui indique le bien est semblable à son auteur. » Il a la même récompense que son auteur. Donc on voit qu'ici, il va faire par exemple une aumône. Il a la récompense de cette aumône qui est décuplée ou plus encore. Et s'il est suivi dans cette aumône, si c'est une personne qui est prise pour modèle et qu'il fait cela publiquement et que les gens le suivent, il aura aussi la récompense des aumônes de toutes les personnes qui l'ont suivi. Celui qui propage une science bénéfique, celui qui indique un bien, celui qui interdit le mal, il a la récompense de tous ceux qui agissent en fonction de ce qu'il aura indiqué comme bien et propagé parmi les gens. Donc on voit ici l'augmentation de la récompense en raison des effets de l'action. Et tout ceci, le Cheikh rahimahullah ta'ala l'a mentionné de manière plus détaillée dans les causes qu'il a citées dans les lignes suivantes que nous commencerons à lire dès demain, Inch'Allah ta'ala. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui et on verra la première cause dans le cours de demain, Inch'Allah ta'ala. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم